comme un fou. Je n'ai pas voulu, non, non, non, non, non, comme un fou, t'emmener promener. Je n'ai pas voulu.